Yeah, et yo, quoi de neuf, dance? Double S. L'onirique 3B. Check. Yeah. Je veux que mon son tourne comme ta meuf dans nos soirées. De façon, quand je la vois, j'ai ma bite qui fait le poirier. T'es déçu, je te rembats, je suis dessus, t'es en bas. T'as sécu, c'est pas mal, t'as sécu, je fais la malle. Tu me verras dans des villas avec des tasses qui kiffent ma bite. Tu imites David Village, t'es vu à poil sur plusieurs sites. Gros, fais pas le ouf quand t'as pas de bif pour un domac. Ta mère, je lui pète la fouf, en plus, c'est moi qui suis son Mac. Bitch, qui font couper, t'es mon dessert pour un souper. T'as des sports d'y arriver, approche par là, je vais te le couper. J'ai des tasses et de l'alcool dans le cockpit. Une frappe pétée au sol, car je suis musclé comme Brad Pitt. C'est le son du renouveau pour prouver que je suis encore hal. J'suis pas un gros crado, mais sur l'instru, je fais du sale. Tu peux parler, j'envoie du lourd, alors que toi, t'es lourd tout court. Si t'aimes pas, c'est que t'es sourd ou que tu connais que Tupac Shakur. Tous mes potos me soutiennent, tandis que toi, t'as qu'un contact sur MSN. Et quand j'écoute tes sons, j'ai de la peine. Bitch, pas besoin d'échelle pour te faire grimper au rideau. J'ai la haine de Cassel, la vengeance dans la peau comme Béatrice Kido. Yup, yup, Lonnie, j'arrive dans le rap, je vois Ginob. Les chansons d'amour, ça me fout la gerbe. Ouais, appelle-moi Nio. Et une mesure de silence pour Brahms du 9-2-I, s'il vous plaît. Yeah. La technique, je vous cache pas que je m'en bats un peu les couilles. Parle pas de swag, Babsou, t'as laissé ton lust à la fille. Hey, le rap français, une belle garce, mec. Je désespère de la musique. Dis-toi que c'est une grande farce, Dre. Je préférais The Chronic. Les gangsters, y'en a plus, maintenant c'est ironique. Ils font les shows, même font des menaces téléphoniques. 3B Horde, Rick, Horde maléfique. L'onirique, ouais, appelle-moi le magnifique. T'inquiète MC, tu vas apprendre à perdre. Je suis un trou de balle, mais tu fais les chiottes. Et moi, je t'emmerde. Regarde-moi, regarde-moi. Yeah. Bah ouais, j'ai trop de swag. Regarde-moi, yeah. Regarde-moi. Bande de petits fils de pute. L'onirique, 3B Records, Tams. Yeah. Dédicace aux petits haters, aux petits fils de pute. Regardez-moi. Eh ouais, j'ai trop de swag. Drah!